des gens comme vous et moi. Vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et on commence en ce lundi 13 janvier en souhaitant une bonne fête au Hilaire et au Yvette. Les dictons nous disent à la Saint-Hilaire, le jour croît d'une heure de bergère. À la Saint-Hilaire, le vin gèle dans le verre. Soleil et chaleur à la Saint-Hilaire n'indiquent pas la fin de l'hiver. Et enfin, entre le 10 et le 20, les plus contents sont les drapiers. Allez, célébration internationale. Aujourd'hui en France, c'est la journée nationale de l'hypersensibilité. Au Cap-Vert, c'est le jour de la démocratie. En Inde, c'est la fête de Lohri, L-O-H-R-I, fête hivernale des moissons. En Suède et en Finlande, je vais vous épargner les noms originaux, mais c'est tout simplement la fin de la période de Noël où on se débarrasse du sapin. C'est le nouvel an orthodoxe, hein, dans la nuit du 13 au 14, selon l'ancien calendrier julien. Donc en ce qui concerne la Russie, la Biélorussie, la Géorgie, l'Ukraine, la Serbie, le Monténégro, la République serbe de Bosnie, hein, la Bosnie et Herzégovine, la Macédoine du Nord et les communautés russophones. Et dans les événements qui se sont déroulés un 13 janvier en 1930, Mickey, déjà célèbre en dessin animé, apparaissait en bande dessinée. Allez, tout de suite, on va marquer une première pause musicale avec le chanteur Julian Peretta et son titre Miracle. When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Every beat of my heart. Oh yeah, oh, oh, oh yeah. Julian Peretta avec le titre Miracle sur RGM. Un peu plus de 8h35 et on va parler maintenant anniversaire avec donc ceux qui sont nés un 13 janvier 1938. Naissance de William B. Davis, acteur canadien, connu pour avoir incarné l'homme à la cigarette dans la série télé X-Files, vu également dans la série Smallville. 1961, naissance de Julia Louis-Dreyfus, actrice américaine vue dans Anna et ses sœurs dans le rôle de Marie, Harry dans Tous ses états dans les rôles de Leslie et le personnage de Harry, la télévision dans Saturday Night Live ou encore Seinfeld dans le rôle d'Hélène Bénès. 1966, naissance de Patrick Dempsey, acteur américain, pilote de course automobile également, vu au cinéma dans Valentine's Day dans le rôle du docteur Harrison Copeland, Transformers 3, La face cachée de la lune dans le rôle de Dylan Gould, Bridget Jones Baby dans le rôle de Jack Quant, à la télévision dans la série Will et Grace, mais on le connaît surtout pour son rôle du docteur Derek Shepherd dans la série à succès Grey's Anatomy. Il est apparu également dans Private Practice dans 2 épisodes et vu il y a presque 2 ans maintenant dans la mini-série La vérité sur l'affaire Harry Kéber dans le rôle d'Harry Kéber. 1970, naissance de Shonda Rhimes, réalisatrice et productrice américaine. Et on va rester dans l'univers de Grey's Anatomy puisqu'elle est connue pour avoir créé la série Grey's Anatomy, Private Practice, Station 19, encore une série dérivée de Grey's Anatomy ou encore la série Scandal. Également productrice exécutive de la série Murder qui va bientôt d'ailleurs voir sa fin venir. La série a été annulée après 5 ou 6 saisons. Et scénariste au cinéma des films Crossroads et Un mariage de princesse. 1972, naissance de Nicole Eggert, actrice américaine vue à la télévision dans les séries Hooker, Madame est servie, Charles s'en charge dans le rôle de Jamie Powell, mais on la connaît surtout pour son rôle de Summer Queen dans Alerte à Malibu. 1977, naissance d'Orlando Bloom, acteur britannique, connu pour son rôle de Legolas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Le Hobbit, la désolation de Smaug et Le Hobbit, la bataille des 5 armées, connu pour son rôle de Will Turner dans Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde et Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, vu aussi dans La chute du Faucon Noir 3 dans le rôle de Paris, Kingdom of Heaven en 2011 dans Les Trois Mousquetaires dans le rôle du duc de Buckingham. 1983, naissance de René Turiaf, ancien basketteur français ayant fait carrière de 2005 à 2014. Il a joué principalement en NBA puisqu'il a joué pour les Lakers de Los Angeles, pour les Golden State Warriors, pour les Knicks de New York. Pendant le lockout en NBA, c'était en 2011, il est venu jouer à Lyon. Ensuite, il a joué pour l'équipe de Washington, pour l'équipe de Miami, club avec lequel il a été sacré champion de NBA en 2012 avec donc le Miami Heat. Il a joué ensuite pour les Clippers de Los Angeles et il a terminé sa carrière en jouant pour les Timberwolves du Minnesota. En équipe de France, il compte 101 sélections. 1985, naissance d'Hélène Wang, actrice canadienne connue pour son rôle de Jill Thompson alias Mouse dans la série télé The Carrie Diaries. 1989, naissance de Julian Peretta, chanteur britannique. 1990, naissance de Liam Hemsworth, acteur australien connu pour son rôle de Gale Hawthorne dans la saga Hunger Games, vu également dans Expendables 2 dans le rôle de Billy Timmons et Independence Day Resurgence dans le rôle de Jake Morrison. Et enfin, on termine en 1997 avec la naissance d'Egan Bernal, cycliste colombien qui a gagné le Tour de France 2019, le classement du meilleur jeune du Tour de France 2019, ainsi que Paris-Nice 2019. Allez, tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale et je vous ai choisi Vita et Slimane. Ça va, ça vient. Dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi, ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal. Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever.

masculin et l'Euro. Et la France est déjà éliminée de cet Euro dès le tour préliminaire. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Mais la France s'est inclinée dans son premier match face au Portugal, 25-28. Et hier, défaite contre la Norvège, 26-28. Va falloir se reprendre en cette année olympique. Un mot de cyclo-cross maintenant avec les championnats de France. Tout d'abord, les espoirs et la médaille d'argent pour Mickaël Crispin de la team Chazal Canyon 3G IMO. Et en élite, Steve Chenel a terminé 7e et Yann Gras 10e. Clément Venturini conserve son titre. Un mot de biathlon à Oberhof et on a eu du grand Martin Fourcade ce week-end avec tout d'abord sa victoire sur le sprint avec un 10 sur 10 au tir. La deuxième place pour Emilien Jacquelin et la troisième place pour Kuhn. Sixième place pour Simon Détieux, 19e place pour Quentin Fillon-Maillet. Antonin Guigona 40e, Fabien Claude 54e, Tarier Beu 24e. Il avait d'ailleurs oublié de faire un tour de pénalité. Il s'en sort quand même plutôt pas mal avec cette 24e place. Et Florent Claude, lui, a terminé 50e. S'en sont suivis des relais samedi avec sur le relais féminin la victoire de la Norvège devant la Suède et la troisième place pour l'équipe de France, le premier podium pour l'équipe de France féminine en relais cette saison. Et en relais masculin, victoire de la Norvège, bon pour pas changer, mais alors la très belle deuxième place de l'équipe de France, presque inespérée après le premier relais d'Emilien Jacquelin qui a donné donc le relais à Martin Fourcade dans une 21e position. Emilien Jacquelin qui a connu un vide au tir. Martin Fourcade a réussi à remonter à une 5e place et après avec Simon Détieux et enfin Quentin Fillon-Maillet, eh bien la France termine donc 2e de ce relais devant l'Allemagne 3e. Hier c'était les Mastarts et à Oberhof on sait que la météo est capricieuse et le vent a fait parler de lui notamment sur la Mastart féminine. Au total 600 tirs sur cette Mastart, 200 fautes. Autant dire que Kaisa Magarinen qui termine première avec un 19 sur 20 a été impériale. Elle termine devant les Norvégiennes Thierry Lekoff et Reuseland. Pour les Françaises, c'est donc moins bien passé sur le pas de tir. Meilleure Française, c'est Anaïs Bescon avec un 13 sur 20 qui termine 11e. Julia Simon, 11 sur 20, termine 17e. Et Justine Brezaz, 11 sur 20, 24e. Pour la Mastart, messieurs, le vent était un petit peu moins violent. Martin Fourcade termine à la première place avec un 18 sur 20. Et il récupère ainsi le maillot jaune en l'absence de Johannes Beu. Martin Fourcade compte maintenant 13 points d'avance au classement général devant Johannes Beu. Il termine cette Mastart devant l'Allemand Arne Pfeffer et le Français Simon Détieux. Quentin Fillon-Maillet s'est classé 16e. Et alors pour Fabien Claude et Emilien Jacquelin, ça a été très très très compliqué puisque Fabien termine à la 29e place et Emilien Jacquelin termine dernier 30e. Pour Tarier Beu, ça a été très compliqué également. Il termine 25e de cette Mastart. Un mot de hockey sur glace maintenant avec les résultats de la D2 et la victoire d'Épinal à Évry-Viry, 4 buts à 0. En basket, en Pro B, Nancy s'est imposée après prolongation face à Saint-Chamond 92 à 89. En National 1, défaite du Jet Vosges à First 97 à 86. En football, les résultats de la Ligue 1, Marseille s'est imposée à Rennes 1 but à 0. Lyon s'est imposée à Bordeaux 2 buts à 1. Montpellier s'est imposée 2 buts à 1 à Amiens. Match nul 1 but partout entre Angers et Nice. Metz s'est imposée 1 but à 0 face à Strasbourg. Nîmes s'est imposée 2 buts à 0 face à Reims. Brest s'est imposée 5 buts à 2 sur la pelouse de Toulouse. Nantes s'est imposé 2 buts à 0 sur la pelouse de Saint-Etienne. Dijon s'est imposé 1 but à 0 face à Lille. Et enfin, le PSG Monaco fait match nul hier soir, 3 buts partout. En Ligue 2, Nancy s'est imposé 1 but à 0 face à Valenciennes. En National 2, Épinal a fait match nul 0 partout face à Saint-Quentin. A noter qu'en football espagnol, le Real Madrid a remporté ce week-end sa 11e Supercoupe d'Espagne en battant donc l'Atlético de Madrid au tir au but. Un mot de tennis maintenant avec la finale de l'ATP Cup qui opposait la Serbie de Novak Djokovic à l'Espagne de Rafael Nadal et victoire de la Serbie 2 à 1. À Auckland, à noter la victoire en finale de Serena Williams. À Doha, le français Moutet s'est hissé jusqu'en finale où malheureusement il s'est incliné en 2-7 face à Rublev. À noter que pour l'Open d'Australie, Richard Gasquet sera forfait. Il est blessé à un genou. Plusieurs tournois mois cette semaine. Et à Auckland, Humbert a battu Rude en 3-7. Et en ce moment, Benoît Paire est en train d'affronter Sinner. Il y a 1-7 partout. Au tournoi d'Adélaïde, a noté l'élimination de Barrère en 3-7. Jérémy Chardy s'est imposé en 2-7 face à son compatriote Gilles Simon. À Hobart, Ferro s'est imposé face à Peterson, tête de série numéro 7. Cette dernière a malheureusement dû abandonner. On parle d'escrime maintenant avec l'escrime messieurs, et les épéistes par équipe ont réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et en escrime féminin, les fleurettistes françaises sont qualifiées pour les JO. Et justement, on parle des JO, mais cette fois-ci les JO de la jeunesse qui ont lieu donc en ce moment à Lausanne. Et plusieurs médailles ont été décrochées par nos jeunes français, notamment en ski alpin, en combiné, médaille d'or pour Auguste Holnett. En super G féminin, médaille d'argent pour Kathleen McFarlane. En ski alpinisme, qui faisait sa première apparition, et bien médaille de bronze pour Margot Ravinel. Et il y a du biathlon, alors à savoir que le biathlon se déroule en France. Et alors là, trois médailles pardon, pour nos Français. Tout d'abord sur l'individuel féminin avec la médaille d'argent de Jeanne Richard. La médaille de bronze sur l'individuel messieurs pour Mathieu Garcia. Et Jeanne Richard et Mathieu Garcia ont décroché la médaille d'or sur le relais mix. Autant dire que le coach Simon Fourcade était très content. Voilà pour l'actualité sportive. J'ai enfin tout dit. Sacré week-end chargé en sport. On va tout de suite marquer la dernière pause avec Elsa Esnou et son titre Dans le miroir. Dans le miroir, j'ai du mal à me voir. Dur de m'accepter et d'assumer mon corps. Tant de choses que je voudrais changer pour me sentir exister et pour pouvoir enfin m'aimer. Ce corps dans lequel je me sens si mal, ce corps qui semble ne pas m'appartenir. Pourquoi est-ce que je me sens si loin de lui? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me fasse autant souffrir? Moi m'ennuie.